Et en général, les musulmans, on a vu qu'ils sortaient dans les batailles avec très peu de provisions. Et on parle des provisions matérielles. Mais par contre, les provisions de foi, c'était au summum. Radiallahu anhum. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal leur accordait la victoire le plus souvent face à un ennemi beaucoup plus nombreux, beaucoup plus équipé et mieux équipé. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit réaliser. C'est que les musulmans ne sont pas vaincus à cause de la force de leurs ennemis, ni de leur grand nombre. Les musulmans sont vaincus quand Allah Azzawajal les abandonne et les délaisse. Et quand est-ce qu'Allah Azzawajal délaisse les musulmans? Quand il délaisse sa religion. On ne parle pas, bien évidemment, du délaissement complet qui signifie la mécréance. On parle de l'attachement à l'islam authentique. Et pas l'islam de Sofia, ni l'islam de Tablir, ni l'islam de l'Ikhwan, ni l'islam de Tekfiriyin. On parle de l'islam comme il a été révélé et comme il a été pratiqué par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est cet islam qu'on vise. L'islam dans sa beauté et dans son authenticité et dans sa simplicité aussi. Faut pas croire que, yani, ceux qui ne respectent pas l'islam, ils facilitent aux gens. La facilité, c'est dans la bonne compréhension. Et la facilité, c'est pas non plus seulement la facilité dans le dunya. Il t'autorise le riba, il t'a pas facilité. Il t'a facilité peut-être pendant 60 ans, et regarde tout ce que tu vas subir pendant l'éternité. Quelle facilité celle-là? Donc, faut comprendre ces notions. Il faut comprendre la cause de ce que notre communauté subit aujourd'hui et de quoi elle souffre aujourd'hui et comprendre également les remèdes et comment s'en sortir et commencer petit à petit, chacun selon son niveau, chacun selon son statut, chacun selon son bagage scientifique et ainsi de suite. Et ne regarde pas la fin. Et ne regarde pas quand est-ce que tu vas arriver. Mais fais ton maximum pour que tu restes sur la bonne voie, jusqu'à rencontrer Allah. C'est pour ça qu'on a vu que Sahaba, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas vu les fruits de leur da'wah, tels que As'ad ibn Zurara et Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhuma, les premiers qui ont commencé la da'wah à Médine. Et qui était la cause de la propagation de l'islam à Médine. Mais ces deux hommes, ils sont décédés, comme on l'a vu, dans les premières années de l'émigration du prophète, alayhi salatu wassalam. As'ad est décédé dans la première année, et Mus'ab est tombé martyr dans la bataille de Uhud, donc dans l'année 3 de l'Hégire. Donc, ces deux hommes n'ont pas vu les fruits de leur da'wah à l'extérieur de Médina. Mais leur récompense continue jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qu'ils ont appelés et qui, à leur tour, ils ont appelé d'autres, c'est dans la balance de ces deux compagnons, radiallahu anhum.